collègues poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Buenos días, otra edición de nuestro programa La Chanson. Distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Soy Andrés y al control tenemos hoy a Samuel. Et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Acabamos de escuchar nuestra sintonía, esa canción de Charles Trenet que dice mucho tiempo después de que los poetas hayan desaparecido, su canción sigue escuchándose en las calles. Hoy es 11 de mayo, mayo, un mes de alegría, un mes de renacimiento, donde resurge la savia y la energía nueva después del largo letargo del invierno. En Francia es más evidente todavía porque la primavera empieza realmente en este mes de mayo. También mayo para los franceses se identifica inmediatamente con el mayo del 68. Obviamente hay en la canción francesa muchas canciones sobre ese tema. Vamos a empezar con un tema que se llama Mai Paris, Mayo París, de Claude Nougaro, ese gigante de la canción francesa que nos dejó en el 2004. Es una canción del 69, un año después de los acontecimientos, como se solían llamar, lo que pasó en mayo del 68. Claude Nougaro introdujo en la canción francesa el ritmo jazz y la música latina. Esa canción, que fue prohibida en la radio durante un tiempo, dice: los adoquines ya no se mueven, en el Sena corre de nuevo agua bendita. El viento ha dispersado las cenizas de Bendit, que es Daniel Cohn-Bendit, el líder del movimiento de mayo 68. Y cada uno volvió a su casa, su automóvil. Un estudiante, al final de la canción, se pregunta por el sentido de su rebelión. Apuntar que el 10 de mayo, es decir, ayer hace unos cuantos años, no sé calcular cuántos, fue el culmen de los acontecimientos, una batalla campal entre 20.000 estudiantes y la policía después de la evacuación de la Sorbona. Escuchamos entonces esa canción, Mai Paris, de Claude Nougaro, del 69. Des pavés ne bougent plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit.

Mais Paris de Claude Nougaro, un mago del verbo, una canción pesimista o realista, bueno, como cada uno quiera verlo. Es cierto que el 30 de mayo ya hubo una contramanifestación que hizo que Francia volviera al orden anterior con el general de Gaulle plebiscitado. Pero bueno, mayo del 68 dejó huellas muy profundas en las mentalidades francesas. Otra canción que se llama Mai 68, mayo del 68, de otro poeta, Jean-Michel Caradec, que tuvo una carrera truncada por un accidente de tráfico a los 35 años en el 81. Podría haber sido un cantante mucho mayor de lo que fue. Es una pena. Esa canción dice: la rama creyó haber domado sus hojas, pero el árbol está ya de ira. Cuanto más se evacua a la Sorbona, el epicentro de la rebelión, más Sochaux se parece a Charonne. Sochaux es la principal fábrica de automóvil de aquella época y donde los obreros se unieron a los estudiantes y lo que dio ese cáliz a esta revuelta estudiantil de mayo del 68. En lo alto de una barricada el pájaro cantaba bajo las granadas. Escuchemos esa canción, Mai 68, de Jean-Michel Caradec. La branche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux au royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo au royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau au royaume de France. Plus on viole la Sorbonne, plus Sochaux ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau, et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades. Son chant de folie était beau. Les fous, les enfants de Rimbaud, au royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil et l'emportera au tombeau. L'automne fera pas de cadeau au royaume de France. Jean-Michel Caradec. Bueno, otra canción con el mismo título, Mai 68, pero esta vez por parte de Gilbert Bécaud. Una canción que habla de la nostalgia de esa época que comparten muchos franceses. Es del año 80. Gilbert Bécaud es alguien que se hizo llamar el señor de los mil voltios. Era en escena una persona que se movía mucho. Dice la canción, 12 años que estamos juntos, estábamos locos. ¿Te acuerdas de las barricadas? Nos queríamos, la gente gritaba, corría. Una bonita Rolls ardía, el pequeño Pedro, su hijo, 2 años tiene ya y ya es rebelde. 12 ans déjà qu'on est ensemble, presque mariés. Et le petit Pierre, le beau cadeau. Oh, le temps va vite, voyage. Et mai 68, c'est une chanson d'un autre âge. Tiens, 12 ans déjà, on était fous, on se foutait du monde entier, des gens mariés, de la République, trop tiède, et mai 68, pour moi c'est je t'aime. Simplement un seul mot, je t'aime. Tiens, tu t'en souviens, la rue du Bac, une barricade. Déjà qu'on est ensemble, presque mariés, le petit Pierre est contestataire. Oh, le temps va vite, voyage, et mai 68, c'est une chanson d'un autre âge. Tiens, 12 ans déjà, pour fêter ça, je t'emmène dîner. C'est rue du Bac, un petit resto. La nostalgia del mayo del 68 por parte de Gilbert Bécaud. Vamos a irnos al año 65, pocos años antes, y vamos a escuchar una canción que se llama J'aime Paris au mois de mai. Me gusta París en el mes de mayo. Una canción del incombustible cantante Charles Aznavour, que tiene 90 años, está de gira mundial Y acaba de sacar, de publicar su álbum número 51, nada más y nada menos, que se llama Encore, con una S, es una novedad, significaría todavía. Tiene 60 años de carrera. La canción dice: me gusta París en el mes de mayo, cuando una nueva juventud se apropia de la vieja ciudad. Es curioso porque esto es como premonitorio, y siempre Aznavour fue adelantado a su tiempo. Fue el primero que habló de la homosexualidad en una canción, por ejemplo. Me dice, me gusta sentir en las plazas el viento que pasa, las chicas vuelven a ponerse guapas, el Sena, los pintores y los libreros, las luces, los escaparates. Bueno, total, el París de siempre. Escuchemos J'aime Paris au mois de mai de Charles Aznavour. M'asseoir en terrasse devant un vitel cassé, regarder les gens passer. J'aime les soirs de première, quitter les heures entières, les vedettes que je préfère, françaises ou étrangères, oui. Il me plaît à me promener en contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Pas les rues, des milliers d'inconnus, avec presque rien sur le dos, qui se prennent pour Brigitte Bardot. Paris au mois de mai. Ou alors elles se prennent pour Sylvie Vartan, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand la nuit sévère et dans la paix souterrée, que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener par les rues qui fourmillent tout en draguant les filles. Mayo, un bonito mes para pasear por París, sobre todo si uno está acompañado. Charles Aznavour, entre su dilatada carrera, empezó su carrera siendo secretario de Edith Piaf, que le hizo pasar canuta, o lo trató muy mal, dice él. Y Piaf es la siguiente intérprete que vamos a escuchar en una canción que se llama Amour du mois de mai, Amor del mes de mayo. Bueno, ya no se presenta a Edith Piaf. Esa canción dice: mi amor, prométeme que nos querremos siempre. Por el más bonito amor es, pero el más bonito amor es como un estribillo. Se sabe unas palabras, pero se olvida el final. Una canción, bueno, del amor que se acaba, que no se queda para siempre. Escuchemos Amour du mois de mai de Edith Piaf. Amour du mois de mai, tu sens bon le bonheur. Léger comme un bleuet, tu fleuris dans nos cœurs. Dans les prés, sur les quais, dansent les amoureux. Les fleurs font des bouquets, et l'amour des heureux. Mon amour, jure-moi que nous nous aimerons toujours. Mon amour, pour mon cœur aujourd'hui, quel beau jour. L'accordéon dans l'air étire une chanson. Près d'un corps sage clair se rapproche un garçon. Puisqu'on s'aime à jamais, pas besoin d'avoir peur. Tes yeux sont de bleuets que je garde dans mon cœur. Mon amour, mon amour, tu sais bien que nous nous aimerons toujours. Mon amour, pour mon cœur aujourd'hui, quel beau jour. Amour du mois de mai, tu sens bon le bonheur. Léger comme un bleuet, tu fleuris dans nos cœurs. Mais l'amour le plus beau est comme un doux refrain. On n'en sait quelques mots, puis on oublie la fin. Mon amour, et d'une autre peut-être ton cœur dira. Mon amour, la la la la la la la. Amour du mois de mai de Edith Piaf. Vamos a seguir con la misma temática y la misma época. Vamos a escuchar ahora a Yves Montand, que fue también amante de Edith Piaf. Es ella la que lo lanzó al estrellato y que le hizo sufrir, no como Aznavour, sino ensayando 16 horas al día hasta conseguir la perfección. Esa canción que se llama Jolime, Bonito Mayo, dice: Bonito Mayo no volverá, se fue mientras dormíamos, llevándose la llave de nuestra historia. Misma temática, pues, Jolime de Yves Montand. Jolime, c'était tous les jours fête, il était né coiffé de muguet, sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, Jolime. Sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, Jolime. On l'a gardé le temps de le croire, il est parti pendant qu'on dormait, emportant la clé de notre histoire. Jolime ne reviendra jamais, emportant la clé de notre histoire. Jolime ne reviendra jamais. Jolime, notre amour était brève, l'été vient qui mûrit le regret, le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet, le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Jolime, tu as laissé tes songes dans Paris pour les enraciner, ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année, ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. El gran Yves Montand. Vamos a escuchar a continuación una canción que se titula casi igual, se titula Joli mois de mai, bonito mes de mayo, que es interpretada por un personaje singular de la cultura francesa, Bourvil. Es uno de los humoristas más populares de toda la historia cultural francesa, pero a su vez tiene un repertorio de canciones entre tiernas y humorísticas muy, muy notable. También es un actor, es actor inolvidable de películas como La Gran Juerga, que fue todo un taquillazo. Esa canción dice: la que quería me abandona, se fue para mucho tiempo a buscar a otra parte su primavera. Una chica perdida, 10 encontradas, que eso es un dicho francés. Afortunadamente llega el verano con sus playas soleadas y todas estas formas desnudas. Escuchemos Joli mois de mai de Bourvil. Joli, joli, joli mois de mai, celle qui m'aimait m'abandonne. Elle est partie pour longtemps, chercher ailleurs son printemps. Joli, joli, joli mois de mai, je n'ai désormais plus personne. Il faut que tu me pardonnes si je n'ai pas le cœur gai. À la ville on criait, acheter du muguet, ça porte bonheur. J'en ai pris un bouquet, mais ça n'a rien fait, c'est tous des farceurs. Joli, joli, joli mois de mai, avec mon bouquet j'ai l'air drôle. y a même des gens qui rigolent. Joli, joli mois de mai. Joli, joli mois de mai. Joli, joli, joli mois de mai. Même si ça me fait quelque chose, il faut que je sois content. C'est la fête du printemps. Joli, joli, joli mois de mai, c'est ton jour, ça s'arrose. Je veux voir la vie en rose. Joli, joli mois de mai, arrosons le muguet. Je veux être gay et vaille peu vaille. J'ai le droit d'être pompette. Pour ma fête, c'est celle du travail. Joli, joli, joli mois de mai, pour toi qui connais tant de choses. Toi qui fais naître les roses, fais qu'elles reviennent vers moi. Joli, joli, joli mois. Joli, joli mois de mai. Una canción de Bourvil. Seguimos con una cantante injustamente desconocida, pero vamos, se la llama La Piaf Rubia. Tiene una voz potente. Bueno, también vendió 30 millones de discos, que no es tampoco poca cosa. Ahora mismo tiene 68 años, está un poco retirada, y canta una canción que se llama Le mal de mai, el mal de mayo. Tengo el mal de mayo, el mal de amor, que es un juego de palabras. En el mes de mayo hay aventuras que no se olvidan. Atrapado por la bulla, has soltado mi mano y no te he vuelto a ver, te he perdido para siempre. Escuchemos Michel Thor. Quelque part dans la ville, sur les pavés brûlants, le soleil est tombé. Quelle chaude journée. Nous avions tant marché en nous tenant la main, que l'on s'est arrêté au boulevard Saint-Germain. Et je le cigarette, tu parlais d'amitié. Entre nous deux, je crois, c'était bien plus que ça. Je me souviens de tout, de ces gens qui criaient, comme s'ils étaient jaloux de voir que l'on s'aimait. J'ai le mal de mai, au mois de mai, qu'il y a des aventures que l'on n'oublie jamais. J'ai le mal de mai, au mois de mai, si c'était aujourd'hui, je recommencerais. Et puis c'est le brouillard, je ne sais plus très bien, bousculé par la foule. Tu as quitté ma main, on ne s'est plus revu, presque 10 ans déjà. Un printemps malgré tout a marqué une croix. Ahora vamos a escuchar una canción tradicional versionada por Frédéric Paris en el 2005, que se llama Voici le mois de mai. Aquí viene el mes de mayo. Del mes de abril ya no hablemos. Os saludo, mi amada, amadme, la amaré todo el tiempo de mi cariño. No solo se canta francés en Francia, se canta francés en otros continentes. Vamos a escuchar a continuación el joven grupo quebequés Equinox, que tiene una canción que se llama Mois de mai, mes de mayo. Allí el invierno es mucho más duro y largo que en Francia. Dice, la vida a dos es menos lluviosa. La sonrisa de la gente por fin ha vuelto porque se fue el invierno. Moitié du mois de mai, fille commence à se déshabiller. Le sourire des gens est enfin revenu. C'est peut-être parce que l'hiver a disparu. L'autre jour, je marchais sur une petite rue, puis j'ai croisé un inconnu. Il me dit, tu sais, quand il fait chaud, le monde est beau. Quand il fait frais, puisqu'ils sont lettres. Ça m'a fait rire, ça m'a redonné le goût d'écrire. Puis j'en suis venu à une conclusion, tout seul la vie c'est pas mal long, mais quand t'es deux c'est moins plus vieux. Fait que ça tente-tu de sortir à soir? J'pense que je dois encore un verre. Puis si t'es down, même à te faire remonter la pente. Caché qu'il est fort, proche de l'île, on s'en va voir pleurer l'été. Et après ça, on repense la vie. J'suis comme poigné entre deux mondes, celui de la vie, celui de la tombe. Je suis une substance visite, quand tu m'allumes, les veines m'excitent. Hey! On s'appuie. Face sur face, avant que les arbres dénudent, puis qu'on se ramasse encore sous la glace. Hey, Dolly, on se met ça, hein? J'entends les jolies feuilles mourir, ils font leur descente aux enfers. Débarquement en Normandie, ils sont deux têtes dans les portails. Sors ta belle, puis ton skidou, on part en guerre. Et contre l'hiver, la, la, la, la. Ça change. Le sourire des gens est parti se recoucher. On leur verra au mois de mai. Y llegamos al final de la edición de hoy. Vamos a escuchar para terminar una canción que se llama Joli Mois de Marie, que es también el mes de la Virgen María, pero es una canción transgresora de Hubert Félix Thiéfen, el niño terrible de la canción francesa. Dice, como dice el proverbio francés, en el mes de mayo haz lo que te plazca, au mois de mai fais ce qu'il te plaît. Mais, jolie mère, moi de Marie, fais ce qui te plaît de tes envies. Mais, jolie mère, moi de Marie, se donne-toi chez fantaisie. Les ptérodactyles virent en vrille au-dessus des bananes chaudes. Et les birdie guys font des tris avec les gominas yo-yo. Les tapons ricanent dans les bois et klaxonnent Bambi l'orphelin, tandis qu'un stégobule flamboie dans l'air transparent du matin. Hey, jolie mère, moi de Marie, fais ce qui te plaît de tes envies. Mais, jolie mère, moi de Marie, se limitera chez fantaisie. Les graffeurs fous s'extinent la sue et lorgnent les jambes incendiaires qui montent longuement sous les chutes jusqu'au noyau de l'univers. Le soleil déshabille les filles qui traînent le poids de leur sous-stingue dans l'excitation des pupilles des cubains au regard salingue. Mais, jolie mère, moi de Marie, fais ce qui te plaît de tes envies. Mais, jolie mère, moi de Marie, se levitera chez fantaisie. C'est toujours au mois de mai qu'on a envie de se pendre. Mais c'est toujours au mois de mai qu'on a du mal à comprendre pourquoi faut quitter son igloo, ses longues nuits de loup-garou, pour venir se cramer le chou devant des conneries barbecue avec les autres jaloux qui jouent et de la boîte à clous, à moitié fou dans leurs cailloux. À genoux, pour, à genoux, pour, à genoux, pour. Mais, jolie mère, moi de Marie, fais ce qui te plaît de tes envies. Mais, jolie mère, se donne crache et fantaisie. Ça t'y va au crépuscule, les gommiers bleus, les maris roses, les jeunes taureaux qu'on émascule dans la tulle des brumes en osmose. Les molars sur les papillons, les hémoglobines sur mes stigmates, ma treille bouffée par les morpions et ce putain de soleil qui me délate. Mais, jolie mère, moi de Marie, fais ce qu'il te plaît de tes envies. Mais, jolie mère, moi de Marie, se limitera chez fantaisie. Mais, jolie mère, moi de Marie, fais ce qu'il te plaît de tes envies.